Mais nous, madame, dans ce truc, il y a l'allée et le retour. Non, parce que regardez dans ce truc. Oui, secours. Oui, il est dans un latin. Si vous avez pas. Ah, vous êtes dans un latin. C'est vrai, vous êtes touché. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Ils sont valables. Thank you.